je te comprends. L'idée m'est venue, car pour se faire entendre, pour en mettre plein la vue. Toujours en avançant, il faut savoir faire face. Ne jamais reculer face aux autres qui attaquent. Il faut suivre un exemple pour lui laisser de place. Et c'est enfin moi pour te diriger la tâche. J'attaquerai.